Donc, on poursuit là dans cet audio car le premier avait coupé. Donc on parlait de qu'il est son oncle qui a été ennemi pour lui. Donc on citait que Rabi'a ibn Ibad, avant qu'il ne soit rentré en islam, voyait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui faisait da'wah dans la rue, qui appelait les gens à l'islam. Et il voyait derrière lui un homme avec des tresses qui disait Innahu sabi'un kadhibun. Un homme qui derrière lui qui disait, cet homme est un sabi, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le traitant de menteur. Cet homme est un menteur. Donc, qala kultu man hadha. Qui est cet homme qui appelle les gens à l'islam? Il dit, c'est Mohammed ibn Abdullah. Et il prétend qu'il a la prophétie. Qala kultu man hadha alladhi yukadhibuhu. Qui est cet homme qui le dément? Il dit, hadha ammuhu, son oncle paternel, Abu Lahab. C'est Abu Lahab. C'est Abu Lahab. Après, quand on a fait le question, 421e question, Masmu Abi Lahab, qui est le prénom de Abu Lahab. C'est Abdul Uzza. Abd al-Uzza ibn Abd al-Muttalib. Quand on a fait le question, 422e question, Masmu Asurati al-Lati Nazalat ou Nuzalat Fihi. Comment se nomme la surat qui est descendu à ce sujet de Abu Lahab? C'est surat al-Masad. Al-Masad, comme a dit Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabim wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhat lahab, wa mra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad. Surat al-Masad, parmi les surat les plus courtes, dans son juz amma. Et là, j'aimerais citer une faïda que nous a fait profiter notre cher Mohamed el-Ouzazi à propos de Abu Lahab. Il est connu que chez les Arabes, nommer quelqu'un par sa kunya, cela est une marque de respect envers lui. C'est une preuve d'honorabilité envers sa personne. Donc, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que Allah Azawajal ait nommé Abu Lahab, qui était un mouchirik, par sa kunya? Car il est coutume chez les Arabes que cela ne se fait qu'avec les personnes envers qui on a un respect ou une personne importante avec qui on veut dont on veut donner son statut, son rang social. Si jamais c'est une personne qui est de rang élevé. Est-il possible que Allah Azawajal ait fait cela pour Abu Lahab alors que c'est un mouchirik? On dit sûrement pas. La raison c'est que justement Abu Lahab, son nom c'est Abdul Uzza. Et Abdul Uzza, c'est un nom de ta'bid, un nom de servitude, que tu es le serviteur. Donc là, il s'appelle serviteur d'Al-Uzza, qui était une fausse divinité, bien évidemment. Donc il a dit le Cheikh, qu'il est inconcevable que Allah Azawajal mette cela dans son livre, c'est-à-dire une servitude autre que lui. Cela n'est pas possible. Qu'il y ait un ta'bid autre que lui dans son livre, ce n'est pas possible. Et parmi les sifats d'Allah Azawajal, la jalousie. كما جاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي عبده ما حرم عليه qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que Allah عز وجل il est jaloux et sa jalousie c'est que son serviteur commette ce que Allah lui a rendu interdit. Et parmi la chose la plus interdite qui nous a été le plus interdit de faire, c'est le shirk. Et le ta'bid, le fait de la servitude autre que Allah, ça peut être vraiment serviteur de un tel, Abdou Issa, ou Abdou Moussa, ou Abdou Kaza, ou Kaza, pour autre que Allah, cela est interdit. Cela rend le shirk. Donc il n'est pas possible que Allah Azawajal, c'est cela dans son livre. Voilà pourquoi il était nommé par sa kunya. Pour ne pas dire Abdul Uzza, qui est pire encore. Naam. Thumma qala. في السؤال الرابع وعشرين بعد أربعمية 424 question أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في بدء أمره؟ Où est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم allait se recueillir pour se dévouer à l'adoration? Vous voyez, en ses débuts, c'est-à-dire avant que la révélation ne lui vienne et également au début après qu'il ait reçu la révélation, au début. في غار حرائي أو حرائي. Dans la grotte de Hira. Comme dans le hadith de Aïcha, قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بغار هراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد متفق عليه. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم allait s'isoler et se recueillir dans la grotte de Hira, dans laquelle il se consacrait à l'adoration. ثم قال في السؤال الخامس وعشرين بعد 400 425 question متى نزل عليه الوحي. Quand est-ce que la révélation lui fut faite? Celle-ci eut lieu lorsqu'il avait 40 ans. Lorsqu'il avait 40 ans. Et cela est venu dans le hadith de Anas ibn Malik. قال بعثه الله على راس 40 سنة. Qu'il a dit que Allah l'a envoyé alors qu'il avait 40 ans. Hadith il est muttafaqun alayhi. Et la quarantaine d'années, c'est l'âge où l'homme est le plus complet dans sa raison. La raison la plus forte. Car lorsqu'il vieillit, sa raison s'affaiblit, comme vous le savez. Et lorsqu'il est plus jeune, il fait preuve d'un manque de réflexion. Donc là, le meilleur moment, c'est la quarantaine. Et par la suite, en vieillissant, il prend de la sagesse. Il prend de la sagesse. Il est dit qu'en général, les prophètes recevaient la révélation à cet âge-là. Ce n'est pas dans l'absolu, mais c'est Isa l'a reçu plus tôt, ainsi que Yahya Kaza, mais que la généralité, c'est cela, c'est la quarantaine d'années. Qala, fi souel al-sadis wa ishin bad 400. Quelle est la deuxième question? ما هي التهم التي وجهها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ De quoi est-ce que les mushrikoun l'ont accusé? Le prophète صلى الله عليه وسلم. De quoi l'ont-ils accusé? قالوا إنه كذاب ساحر ومجنون وشاعر. Ils disent que c'était un menteur, un sorcier, qu'il était fou, qu'il était un poète. Et cela est venu dans plusieurs versets. Dans différents versets, cela a été cité. Donc, par rapport à ça, cela est une preuve que la personne qui est avec la vérité qui dérange, il est accusé de plusieurs choses pour que les gens ne l'écoutent pas, ne le prennent pas en considération et qu'ils le discréditent. On va dire que c'était un ceci, un cela, un ceci. Même aujourd'hui dans la darwa, c'est une chose que l'on voit. Lorsqu'une personne dérange, on essaie de lui coller des choses dont il est innocent, d'accord, afin que les gens s'éloignent de lui et n'écoutent pas de lui. Ça, c'est parmi les coutumes des mouchriquines, auparavant des gens de la jahiliya. Pour ne pas qu'ils écoutent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font peur aux gens de sa personne. Et viennent avec les plus grands sobriquets et avec les caractéristiques les plus immondes qui font peur aux gens. هذا الذي ردنا نأخذ اليوم والحمد لله رب العالمين.